Salut, bande de nétophonixiens! Et auditeurs. Un nétophonixien est forcément un auditeur, ça me paraît logique, non? Bah, taisez-vous! Auditeur ou nétophonixien ou ce que vous voulez, c'est un consommateur. Et parfois aussi, concepteur d'audio. L'audio, ça se déguste. Ça se dévore. Et accessoirement, ça s'écoute. De la bonne bouffe raffinée et assaisonnée qui est là pour ravir vos tympans. Vous prendriez bien la carte des monos cette année. Ouais, les sagas, c'est un peu copieux parfois. Ah, les monos! C'est bon, pas vrai? Ça passe bien. Vous, consommateurs, vous aimeriez bien savoir quelles sont les méthodes à la réussite d'un bon mono MP3 bien chaud, pas vrai? C'est curieux, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas, les pros vont vous montrer comment faire. Ah merde, t'as chier. Oui, pardon, je suis d'attaque. Pour commencer votre recette .mp3, réunissez tous les ingrédients et tous les outils nécessaires. Commencez par prendre un PC, ce n'est déjà pas mal. N'oubliez pas de l'équiper avec un logiciel de montage audio, cela vous permettra par la suite de faire votre mélange. Merci. Munissez-vous à présent du strict minimum, un microphone et un filtre anti-pop. Le filtre anti-pop sera là pour casser tous les grumeaux dans votre première phase de conception. Ça serait con d'en avoir plein les oreilles une fois le mélange fini. Maintenant que tous les outils sont rassemblés, commençons la phase de création. Tout à fait. Et c'est-à-dire ? L'écriture. Vous devez tout d'abord, sur un papier ou un Word, effectuer le premier mélange. Vous devez commencer par y placer un bon univers ainsi qu'une ambiance. L'écriture débute. Vous devez introduire vos ou votre personnage à votre situation initiale. Incorporer et mélanger nerveusement un bon bol d'éléments perturbateurs pour donner du volume au mélange initial afin d'obtenir une fluidité homogène. C'est parfait! C'est maintenant qu'il faut laisser reposer pendant quelques minutes histoire que l'élément perturbateur fasse bien effet. À présent, vous devez incorporer peu à peu le kilo de péripéties, incrémenté de 2 ou 3 autres éléments de votre choix. L'écriture, c'est un peu la phase longue en fin de compte. Mais n'oubliez pas l'ingrédient important à ajouter pendant l'incorporation de la péripétie, un élément indispensable à la réussite de votre recette, un point de non-retour. La première phase commence à prendre forme. Il ne faut pas oublier ensuite d'introduire la résolution. Ainsi que la fin, non? Parfaitement. Bien ou mauvaise, selon votre choix. Si vous préférez du doux ou de l'amer. Une fois fait, nous pouvons à présent aller chercher les besoins suivants, les acteurs. En effet, une fois l'écriture terminée, il faut vous munir du PC, du microphone, du filtre anti-pop, et enfin de vos acteurs qui correspondront au nombre de vos personnages. Les voix doivent être enregistrées de façon fluide pour ne pas perturber la suite du mélange. C'est à ce moment que vous fourrez votre premier mélange devant l'acteur en question et que vous commencez l'enregistrement. Comme nous n'avons pas le temps d'aller en chercher, c'est donc nous trois qui allons nous débrouiller pour rendre un son potable. Aidez-vous de votre mélange et lisez vos dialogues avec rigueur et émotion. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Oh oui, comme chaque jour. Je suis heureux d'être ici. Et personne ne viendra perturber cette journée. Non, personne. Ouh. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, cher ami. Ouh. Je suis un élément perturbateur et je viens perturber votre journée. Oh non! Et moi qui passais une bonne journée, c'est con! Je vais vous attaquer. Courons! Je crois qu'il nous suit toujours. Oui, je crois aussi. Nous ne pouvons pas rebrousser chemin, cher ami. Ça me semble impossible. Oh, j'ai une idée. Ah oui, et c'est quoi? Élément perturbateur. Tu ne voudrais pas faire en sorte qu'on arrange les choses et qu'on passe une bonne journée tous? Oui, je peux. Dans ce cas, retourne chez toi. D'accord, pardon. Au revoir. Ha! Bravo, champion! Encore une bonne journée! Ouais! Ouais! Venez pas nous faire chier, on n'a pas écrit un truc de ouf non plus! C'est juste une démonstration, on n'est pas là pour gagner un potard! Arrête de faire ça, ça sert à rien! Bon, on passe à la suite? Oui, c'est le montage! Le montage, c'est juste la phase la plus importante, qui laissera un peu libre cours à votre créativité. Utilisez votre logiciel de montage pour ajouter des sons à votre enregistrement. C'est à ce moment aussi que vous devrez trier les mauvaises voix, les enregistrements ratés quoi. Mais vu que là, on n'a rien foiré, on va directement passer au montage. Oui, l'idée est donc d'utiliser divers sons pour monter votre enregistrement en neige. En histoire cohérente. C'est une phase qui prend en général pas mal de temps, mais plus c'est soigné, plus c'est bon. Le montage fini, vous pouvez passer au mixage. Si vous avez un mixeur, c'est encore mieux. Vous en même temps, ajoutez quelques pincées de VST différents comme reverb, pitch ou equalizer. Sans oublier un peu de panoramique pour les finitions. Puis vous finissez le mixage. Ça y est, À présent, vous pouvez verser votre mono dans un moule de rendu. Et foutre le moule dans la machine à rendu. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Il y en a toujours une incorporée à votre logiciel. Vous avez qu'à reverser le tout à travers le port USB 2.0. À présent, votre rendu lancé, soyez un peu patient. C'est pas trop long, j'espère. Voilà, après ça, une petite réécoute à la cuillère. Ça sent bon. Un peu, ouais, que ça sent bon. Et encore. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on le calise sur le net et on fait la promotion sur le Netophonics, comme tout le monde. Voilà, à présent que vous savez tout, chers auditeurs, utilisez ces méthodes simples chez vous et réalisez un mono pour... Eh, y a un problème avec notre deuxième préparation, là. Ah, voyez-vous ça? Notre deuxième préparation? Bah ouais, on devait commencer un autre mono en même temps. On a un mois pour le faire, alors on s'y met maintenant. Ah ouais, d'accord. Et vous en êtes où? Ah, encore à l'écriture. Bon, c'est quoi le problème? Je crois que le mélange de notre mono a été saboté. Oh mon dieu! Saboté? Ah, voilà un bon élément perturbateur.